Ich schreib die Texte wieder neu auf. Mein Schuss, der ging ja bergauf. SLS, Brabus-Türen gehen auf. Du hörst ein Rum, tritt drauf. Ich nehm die Schüsse jeder in Kauf. Doch meine Ratatat an dich auch. Mama, mein Leben hängt davon aus. Ich danke dir und meinem Herrn aus. Hier gab ich jede Kraft aus. Ich komm nicht klar, Wallahi, Mama. Es dreht sich alles wie ein Parade. Ich sehe die Leute toller. Rolex, Daytona, Louis Prada. Ich kuse im Nagel, neuen Jaguar. Ich verpack Steine für die Andrassen. Rolle durch wie ein Panzer, ja. Ich kurs im nagelneuen Jaguar, ja. 300 km, bratata. Die Gang macht Klick, Klick, lag, boom, ab. Lauf mit scharfen Eisen an den Eiern geladen. Durch Peru, Bran. Keine Frage, jetzt bist du dran. Harte Zeiten, oder Bruder. Keine Frage, jetzt bist du dran. Harte Zeiten, oder Bruder. Dele, dele, dele, din. Fünf Meter von Vitamin. Je vais acheter la ville. Ah ouais ouais ouais ouais. Ah ouais ouais ouais ouais. Je fais le bif à Deleville. Bientôt je vais acheter la ville. Ah ouais ouais ouais ouais. Ah ouais ouais ouais ouais. Même avec un milliard frère, t'achètes pas une seule seconde. Rebut j'ai la science exacte. Et si elle s'excite, elle sait que j'ai le seum sexy. Je peux la choquer en un seul zigzag. Dealer tout sauf qui peut. Bande de bâtards, on est perspicace. On arrive dans le Bronx. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui pèse? Qu'est-ce qui brasse? Qu'on lui nique sa mère. Sadique merde. Calibré. Vanille de vice. Cannabis, maladie, de qualité. J'tourne dans la ville à pas d'heure, sur un fond de Jackson. PTO, Jack, sa mère. Distribue les paxons dans les années sombres, dans les années sales, dans les années que la reste m'a mis. Si du jour ne fais pas semblant, t'es tout pâle, c'est bien ce qui me semblait. Tous les jours, ma gueule, c'est sanglant. J'rentre pas à la maison sans blé, les mecs sont sans blase. Sans état d'âme, mais sans cœur. Pas du genre à faire les 100 pas. Témoin de mariage, prépare ton deuil, flairer ton odeur. Bah ouais, c'est la jungle. J'lève la main, y'a des cinglés. Sors du parc, qui t'étrangle. 10 minutes après, on ira trinquer. Sans plein le tricot, faut pas énerver le bico. Tu le sais que le monde est niqué, le monde est friqué, le monde est chico. Dele, dele, dele, din. Fais fuir au fond de mes amis. Aïe, lé, lé, lé. Aïe, lé, lé, lé, lé. Dele, dele, dele, din. Fais fuir au fond de mes amis. Aïe, lé, lé, lé. Aïe, lé, lé, lé, lé. Le bis, à Dele, ville. Bientôt je vais acheter la ville. Ah ouais, ouais, ouais, ouais. Ah ouais, ouais, ouais, ouais. J'fais le bif à Dele, ville. Bientôt je vais acheter la ville. Ah ouais ouais ouais ouais. Ah ouais ouais ouais ouais ouais. Le bif à Dele, ville. Aïe, lé, lé, lé. Aïe, lé, lé, lé. Le bif à Dele, ville. Aïe, lé, lé, lé. Aïe, lé, lé, lé.